إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله بعون الله عز وجل l'explication du livre أعلم سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة واسعة. La semaine dernière, on s'est arrêté à la question numéro 158. Donc on a terminé de citer les branches de la foi et de rappeler les essais qui ont été donc exposés par les savants pour énumérer donc ces différents ou ces différentes branches de la foi. Shu'abul Iman. Donc aujourd'hui, après avoir terminé pour ce qui est de la foi, al-Iman, donc ce terme al-Iman, comme on l'a compris, comme on l'a déjà expliqué, tout ce qui rentre dedans, le cheikh va passer donc à la troisième étape. Et toujours donc, comme cela est venu dans le hadith de Jibril, lorsque Jibril, alayhi salam, est venu voir le prophète, sallallahu alayhi salam, sous forme humaine, et qui lui a demandé donc, d'abord à propos de l'islam, mais ensuite à propos de l'Iman, et ensuite à propos de al-Ihsan. Donc on voit bien ici qu'il était logique, vu que le shir, rahmatullah alayhi, il a suivi ce hadith pour exposer ses questions, qu'il parle maintenant de l'ihsan et qu'il pose une question à ce sujet-là. Fayaqul, à la question numéro 158, « Ma dalilu l'ihsani min al-kitabi wa sunnah »« Min al-kitabi wa sunnah » Donc il va nous demander, et c'est à son habitude, et c'est bien entendu le minhaj, la méthode et la voie des gens de Ahl-Sunnah et Wal-Jama'a, les gens de la Sunnah et du consensus, c'est que tout ce qu'ils vont avancer en ce qui concerne la religion, c'est basé sur des preuves. Et encore plus en ce qui concerne la croyance, c'est basé sur des preuves prises du Qur'an et de la Sunnah. Ça, c'est la méthode employé par les gens de la Sunna et du consensus. C'est pour ça que beaucoup de questions vont avoir la même forme et se répètent tout au long du livre et qui commencent par Madalil, c'est-à-dire donc quelle est la preuve. Et ici donc Madalil ou l'Ihsani min al-kitab wa sunnah. Quelle est la preuve donc de l'Ihsan, ce terme l'Ihsan min al-kitab wa sunnah. Donc on sait que l'Ihsan, on traduit cela par la perfection. Ou on peut traduire également par la bienfaisance. Al-Ihsan, par la bienfaisance, par la perfection. Et il est vrai que le terme, lorsqu'on le traduit par perfection, donne bien l'idée. Et donne bien la compréhension. Car c'est réellement une perfection. Ceux qui font bienfaisance, ceux qui ont parfait dans leur acte, etc. Il nous dit le shir, Adillatu kathira. Donc il va commencer par les versets du Coran, non comme toujours, et il va nous citer certains versets qui sont venus, sachant qu'il dit qu'il en a beaucoup. Il y a beaucoup de preuves du Coran qui nous prouvent donc ce qu'est Al-Ihsan et quel est Al-Martaba, donc le degré de ces gens qui ont appliqué Al-Ihsan, Al-Muhsinun. Ici dans le premier verset, il nous dit tabaraka wa ta'ala wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Donc ici wa ahsinu, donc ici c'est le verbe et qui prie donc du terme al-ihsan, et ensuite inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Al-muhsin huna ismun fa'il, celui qui va faire l'acte de l'ihsan, celui qui va appliquer al-ihsan, ça c'est le muhsin. Donc en premier le verbe wa ahsinu. Donc c'est un ordre ici d'Allah Azzawajal, wa ahsin. Donc un ordre vu que le verbe est à l'impératif. Wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin. C'est dans le verset ou surat al-Baqarah, qui est le verset 195. Donc, et faites le bien. Ici, le bien, lorsqu'on traduit par faites le bien, on voit donc un manque de précision. C'est bien ici, wa ahsinu, donc, de pratiquer l'ihsan, donc cette perfection, cette bienfaisance. Car Allah aime les bienfaisants, ceux donc qui pratiquent l'ihsan. Ça, c'est le premier verset qui nous prouve donc cette ihsan. Et également un autre verset du Coran que nous cite le Cheikh, il dit Inna Allah ma'a alladhina taqawwa alladhina hum muhsinun. Inna Allah ma'a alladhina taqawwa wa alladhina hum muhsinun. Également, on va revoir ici qu'Allah Azzawajal est avec ceux qui ont craint. Qui ont craint Allah Azzawajal. Et ceux qui ont été bienfaisants. Donc on voit le terme ici, on revient au terme arabe. Hum muhsinun. Donc, encore qui vient du terme al-ihsan, et qui est donc celui qui va appliquer, celui qui va être l'auteur de l'acte, ici qui est al-ihsan, donc al-muhsin. Al-muhsin. Hum muhsinun. Et donc, on voit qu'Allah Azzawajal est avec eux. Donc, qui va les soutenir, qui va les aider, qui va venir à leur secours. Hadil ma'iyya al-khassa. C'est bien entendu ici la signification ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun, c'est qu'Allah Azza wa Jalla est avec eux et de façon spéciale. Et ça, bien entendu, on avait déjà expliqué anwa al-ma'iyya et ce que voulait dire chacun ou chacune des catégories. Donc le shahid ici, le témoin argumentatif hum muhsinun wal ladhina hum muhsinun. Ensuite, un autre verset qui nous cite le shir. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَّهُ إِلَى اللَّهِ وَوَ مُحْسِنْ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Donc encore ici, on va retrouver le terme muhsin. Donc celui qui va appliquer l'ihsan. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَّهُ إِلَى اللَّهِ وَوَ مُحْسِنْ وَوَ مُحْسِنْ. Donc celui qui va soumettre son être à Allah. Ici, qui va soumettre donc sa face. Mais on veut par là une partie du corps, mais on veut tout le corps, c'est-à-dire tout son être entier, qui va le soumettre à Allah Azza wa Jalla, de par ses actes, les actes qu'il va faire de par son cœur, de par ses membres, de par sa langue, qui se soumet réellement à Allah Azza wa Jalla, et qui est donc, qui fait partie de ceux que l'on dit dans leur droit, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, et qui est tout en étant bienfaisant, tout en étant bienfaisant. Ici le terme donc, Muhsin, qui est également, qui vient de l'Ihsan. Et beaucoup de savants prennent ce verset pour prouver qu'il y a, au niveau de l'acceptation de l'acte, deux conditions principales. Et qui est l'Ikhlas, et qu'on va retrouver dans cette parole d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَّهُ إِلَى اللَّهِ. Celui donc, qui va soumettre son être à Allah Azza wa Jal. Donc, qui va être mukhlis dans cela. Automatiquement qu'il va être mukhlis, ça implique qu'il va être mukhlis, donc à l'ikhlas. Wa wa muhsin, donc ici muhsin qui traduisent beaucoup de savants, qui expliquent beaucoup de savants, qui va suivre en réalité la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui va suivre al-shar, donc la législation, donc qui va être en conformité avec la législation du Coran et de la sunna, et donc qui va réunir à partir de là ces deux conditions d'acceptation de al-ibada, de l'adoration, et qui sont donc al-ikhlas ou al-mutaba'a. Al-mutaba'a, donc le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les actes, de faire comme il a fait, de suivre sa sunna dans tous les actes d'adoration pour que cela soit accepté. Et l'autre condition, bien entendu, celle qui va être dissimulée et qui se trouve dans le cœur, c'est al-ikhlas, donc être mukhlis, avoir une intention pure que cet acte c'est pour Allah Azza wa Jal. Wa huwa muhsin. À la kulli hal, ici, on a la preuve que l'ihsan est encore cité, et que la personne qui l'applique fait partie des muhsins, et que il a, ou il fait partie de ceux qu'Allah Azza wa Jalla a dit, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, s'accroche réellement, de ceux qui sont réellement accrochés donc à l'anse la plus ferme. L'autre verset qu'il va nous citer, le shir est le dernier ou l'avant-dernier des versets. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Donc ce verset également qu'on a déjà vu lorsqu'on a parlé d'un point important et essentiel de la croyance des gens de la sunna et du consensus, et là où beaucoup malheureusement se sont égarés parmi les gens de l'innovation et de l'égarement, et qui est une preuve du Coran, ce Coran qui est bien entendu expliqué par d'autres versets du Coran et qui explique également et ensuite par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici le terme lilladhina ahsanu, donc ceux qui ont fait l'ihsan, ça c'est la preuve, ceux qui ont fait l'ihsan, ahsanu le verbe ici, lilladhina ahsanu, donc encore une preuve, hadha wa shahid, et encore une preuve donc de l'ihsan prise du livre d'Allah azawajal, al-husna, al-husna wa ziyada, donc leur récompense à ces gens-là, ceux qui ont fait l'ihsan, c'est tout simplement qu'ils vont rentrer au paradis. Waziyada, et qu'ils vont voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala subhanallah. Donc également ici une preuve de l'ihsan. Et donc ce verset qu'on a déjà expliqué plusieurs fois. Ensuite l'autre et le dernier verset qu'il va nous donner le shir, et qui est le suivant, hal jaza'u l'ihsani illa l'ihsan, hal jaza'u l'ihsani illa l'ihsan. Donc c'est encore un autre verset où ici il cite le terme en lui-même et qui est donc al-ihsan. Et donc n'y a-t-il d'autre récompense pour le bien que le bien, traduit par le bien, mais qui est bien voulu ici, al-ihsan, donc la bienfaisance, la perfection. Ça c'est pour les versets du Coran. Ensuite il passe à la sunna, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ce terme également l'ihsan est venu, et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre en évidence qu'Allah azawajal kataba, إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Et donc prescrit. Il a donc Allah Azza wa Jalla prescrit. Et ce terme kataba qui vient et qui est dans la plupart des cas bima'na wajaba, c'est-à-dire donc prescrit à titre obligatoire. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. C'est qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit donc cette ihsan, cette bienfaisance dans toute chose. Ça c'est le premier hadith, qui est bien entendu rapporté par Muslim, et qui est un hadith connu, car on le retrouve dans l'Arba'in al-Nawawiyya. Ensuite, l'autre hadith qu'il va nous citer, ce hadith-là qui est rapporté également par l'imam Muslim dans son authentique, suivant d'autres versions également, l'imam al-Bukhari, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni'imma lil'abdi an yutawaffa yuhsinu ibadatallah, yuhsinu عبادت الله وصحابة سيدي نعيما له نعيما له. Donc ce premier terme qui est cité par le prophète sallam dans ce hadith et dans d'autres versions, نعيما للمملوك للمملوك مملوك, donc qui est l'esclave qui est celui donc qui est en état d'esclavage et qui est donc sous la propriété d'une autre personne qui est pour lui donc un esclave, نعيما للعبد. Donc ce terme qui est venu dans cette sunna et qui, par les savants de Al-Lora, par les savants de la langue, vont lui donner trois façons de le prononcer. Que ce soit ni'ma, ou que ce soit ni'imma, comme on a dit, ou que ce soit également na'imma. À la kulli hal, plusieurs façons de le prononcer. Et les savants nous rappelle que il y a comme, ou que ce terme a pour une signification, lahu masarra wa qurratu ayn, c'est-à-dire que cette personne-là va tout simplement avoir l'embellissement des yeux, va avoir la joie, va avoir le bonheur, donc c'est ça qui va lui advenir à cette personne. Et ici à cet esclave, an yutawaffa, donc qu'il meure, qu'Allah Azza wa Jalla le fasse mourir, yuhsinu ibadat Allah. Dans un premier temps, yursin. Donc on voit ici le verbe qui est employé, yursin. Donc lorsqu'on revient bien au terme au niveau de la langue arabe, on voit que ce qui est employé, c'est bien ici, c'est bien pris de l'ihsan. Donc le verbe ici, yursin. Yursin, ibadat Allah. C'est donc qu'il applique et qu'il accomplit l'adoration d'Allah Azzawajal avec perfection, avec bienfaisance. Perfection donc ici. Yursin, ibadat Allah. C'est la première chose. وصحابة سيده, والصحابة سيدي الصحابة هنا بمعنى صحبة. Et donc qui va accomplir comme il se doit ce que, et suivant bien entendu sa capacité, ce que va lui ordonner son maître. Ni'imman lahu. Et donc s'il fait cela et qu'il meurt dans cet état-là, alors pour lui, il aura une grande récompense dans le paradis. Et ce sera pour lui l'embellissement de ses yeux dans la vie future. Et une joie et un bonheur qu'il va retrouver. Et s'il accomplit ces deux choses, ni'imman lahu. Donc on voit ici que le terme al-irsan est revenu, et donc une preuve également de la sunna. Ça c'est pour les preuves. Ensuite le shir, il va passer donc à la question suivante, il va tout simplement nous demander qu'est-ce que veut dire, et comment va être représenté cet ihsan fil ibada dans l'adoration. Fayaqul, ma wal ihsanu fil ibada, ma wal ihsanu fil ibada. Donc tout simplement, quel est cet ihsan? Quel est cette ihsan? Quelle est cette perfection, cette bienfaisance dans l'adoration? Et il va nous rappeler tout simplement le hadith de Jibril ici, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué de la meilleure des façons. Lorsque il est venu Jibril, il lui a posé la question. C'est pour ça qu'il nous dit, le shir, فَسَّرَوْا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَى سَلَمْ فِي حَدِيثِ سُؤَالِ جِبْرِيلِ لَمَّا قَالَ لَهُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. Lorsque donc Jibril est venu à lui, il lui a posé cette question, informe-moi sur ce qu'est l'Ihsan. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui expliquer et de lui dire, de lui informer donc, et pour que cette information soit pour toute sa communauté, أن تعبد الله كأنك تراه, c'est que tu adores Allah عز وجل comme si tu le vois, comme si tu le vois. كأنك تراه, كأن, c'est-à-dire comme si tu le vois. On sait bien que dans cette dunya, on ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. L'antarani, comme il a dit Allah tabaraka wa ta'ala à Moussa, l'antarani, c'est-à-dire que tu ne me verras pas. Bien entendu ici le maqsoud, c'est fiyadid dunya. Pourquoi? Parce qu'on sait que on verra Allah azawajal fil akhirah, kama hadha wa thabit fil kitab wa sunnah, comme cela est attesté et authentique dans le livre d'Allah azawajal et dans la sunna. An ta'bud Allah ka'annaka tara. Ça, c'est la première explication que va nous donner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, ça va correspondre à la première, au premier niveau de l'Ihsan. Car au niveau de l'Ihsan, en ce qui concerne l'ibada, l'adoration, il y a deux niveaux. Ça, c'est le premier niveau. An ta'bud Allah ka'annaka tarahu. Et ensuite, le deuxième niveau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le citer ensuite. Fa illam takun tarahu, فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Ici donc c'est la deuxième, le deuxième niveau. Et si lui, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, et si tu ne le vois pas, et si tu ne le vois pas, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, alors lui il te voit, alors lui subhanahu wa ta'ala, lui il te voit, فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Et donc il va nous dire le shir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a mis en évidence al-ihsan, et que cet ihsan donc va être composé de deux niveaux qui sont différents l'un de l'autre. Un, c'est-à-dire qu'il va être plus élevé bien entendu que l'autre. Quand, lorsqu'on parle de niveau, automatiquement il y en a un qui va être plus élevé que l'autre. Celui qui était le plus élevé, c'est celui qui était cité en premier. Donc le plus haut niveau a été cité en premier par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il nous dit le shir a'la'uma, donc le plus haut des deux. Ibadatullahi ka'annaka tara wa hadha maqamun mushahada wa hadha maqamun mushahada. Tout simplement adorer Allah azza wa jalla comme si tu le vois. Il va nous expliquer ce qu'on veut ici, ou ce qui était voulu par le prophète sallam ka'annaka tara, yaqul wa hadha maqamun mushahada. C'est-à-dire maqam al-mushahada, al-mushahada qui vient du terme ou qui vient du verbe shahada, yushahid, mushahadata. C'est donc, on traduit par le fait de voir. Le fait de voir. Donc c'est une vision. Et bien entendu, lorsqu'on parle de vision, le terme vision, ça a plusieurs formes. Lorsqu'on parle de vision, ça peut prendre plusieurs formes, la vision. Ce n'est pas seulement la vision, automatiquement la vision par les yeux. Ça peut être également la vision par le cœur. À kulli hal, comment dire ru'yatul ayn, c'est-à-dire la vision par l'œil, wa ru'yatul qalb, la vision également par le cœur. Le shir va nous dire donc ici maqam al-mushahada. Donc maqam, c'est donc un niveau. Un niveau ici. On va traduire ici par niveau, pour bien comprendre. Donc c'est le niveau que l'on pourrait traduire par la vision, mushahada, parce qu'on a compris qu'est-ce que voulait dire ce terme au niveau de la langue. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, le shir, pour nous expliquer? Wa an ya'mal al-'abd 'ala muqtada mushahadatihi lillahi ta'ala biqalbihi. Ça, c'est la première explication. Il va nous dire, c'est en réalité que l'homme, comment cela va se traduire? C'est que l'homme, que l'arabe, le serviteur, il fasse un acte, qu'il accomplisse un acte suivant, et cela va donc impliquer comme si, et suivant donc, il voit Allah Azzawajal. Il voit Allah subhanahu wa ta'ala biqalbihi, de par son cœur. Biqalbihi, de par son cœur. Donc on voit ici, c'est une vision. Automatiquement la vision, c'est pas automatiquement la vision par la vue. Parfois la vision par l'œil, la vue par l'œil. Ça peut être également la vue donc par le cœur. Et c'est ici le cas. Biqalbihi. Et qu'est-ce que ça veut dire également cela, pour encore mieux comprendre, il nous dit wa wa an yatanawwara al-qalb bil iman wa tanfudhu al-basiratu fil irfan fi al-irfan hatta yasir al-ghaib kal ayan an yatanawwara al-qalb bil iman. C'est-à-dire que ce cœur, il va être éclairé et donc rempli, il va être éclairé de la foi. Bil-iman. An yatanawwara al-qalb bil-iman. Donc ce cœur, il va être éclairé par la foi. Il va s'éclairer de par cette foi qui est rentrée dans son cœur, à cet homme-là. Wa tanfudhu al-basiratu fil 'irfan. Et ensuite donc, cette Al-Basira, donc on sait que Al-Basira, ce terme que l'on traduit bien souvent par Al-Ilm, que l'on traduit bien souvent par la science, que l'on traduit par la connaissance. Donc tout cela, ça va impliquer connaissance, ça va impliquer science. Et donc avoir la connaissance de qui? Ici avoir la connaissance d'Allah Azzawajal. Connaître Allah Azzawajal de par le Tawhid. Connaître Allah Azzawajal de par le Tawhid. Connaître Allah Azzawajal par rapport le droit que lui, subhanahu wa ta'ala, il a envers nous. Également le connaître par ses noms et ses attributs. Le connaître par sa souveraineté. Ce qui rentre ici dans Tawhid al-Khabari. C'est-à-dire donc tout ce qui va nous permettre d'être informés à travers les textes, que ce soit du Coran ou de la Sunna, on va être informé de qui? Et on va prendre connaissance de qui? D'Allah Azzawajal. Donc à travers sa souveraineté, à travers ses noms et ses attributs, on va apprendre à connaître Allah Azzawajal. Et naam. Donc ici c'est bien ce qu'il dit le shir. Basira, on comprend l'ilm. Donc on va comprendre ici que cet ihsan, ça va automatiquement impliquer la science. Ça va automatiquement donc impliquer la science. Donc la personne, elle doit apprendre. La personne, elle doit apprendre le tawhid. Elle doit apprendre ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, donc pour connaître son Seigneur. Et pour atteindre ensuite ce niveau de perfection, lorsqu'elle va adorer Allah Azzawajal, de par sa science, de par sa connaissance qu'elle a d'Allah Azzawajal, et qu'elle implique cela, et que cette foi et cette science qui sont entrées dans son cœur ont donc illuminé, automatiquement, il va avoir, ou il va accomplir une adoration avec Ihsan. C'est comme si en réalité il va voir Allah Azzawajal de par son cœur, biqalbi. Et juste qu'il nous dit donc le shir, hatta yasiru al-ghayb, donc tanfudhu al-basira fil 'irfan. Al-'irfan. Donc al-'irfan qu'on peut traduire également par la connaissance, qu'on peut traduire également par la clairvoyance, etc. Hatta yasiru al-ghayb, il va donc ici nous expliquer hatta yasiru al-ghayb ou hatta yasira al-ghayb kal-'iyan. C'est-à-dire jusqu'à que l'invisible devient comme ce que l'on voit, comme ce que l'on voit donc réellement. Ce que l'on voit donc réellement. وَهَذَا وَحَقِيقَةُ مَقَامِ الْإِحْسَانِ. Et ça c'est la réelle place, c'est le réel niveau de l'Ihsan. Ça c'est le, le plus haut niveau. C'est réellement ce que l'on veut par l'ihsan. Donc, on comprend bien ici que cette ihsan, on va la retrouver dans cette adoration lorsque l'homme, de par son cœur, il adore Allah Azzawajal comme s'il le voit, de par la connaissance qu'il a eue d'Allah Azzawajal, lorsqu'il a appris tout ce qui était en rapport avec lui, subhanahu wa ta'ala, à travers le livre d'Allah et à travers la sunna, bien entendu à partir des textes religieux authentiques. Et qu'ensuite, lorsqu'il a connu son Seigneur et qu'il a travaillé son ikhlas et que cette foi lui a illuminé son cœur, alors il va faire la prière à titre d'exemple et les autres adorations comme s'il voit Allah subhanahu wa ta'ala. Affani, il va nous dire le shir Affani, et c'est en réalité la deuxième al-maqam Affani, c'est-à-dire donc le deuxième niveau, celui qui est en dessous. Et il nous dit le shir maqam al-muraqaba, donc après maqam al-mushahada, maqam al-mushahada, si on peut les écrire ces termes, maqam al-mushahada, on a maqam al-muraqaba, donc le deuxième niveau. Il va nous dire le shir qu'est-ce qu'on veut dire par le terme al-muraqaba, et qui vient donc du terme raqaba, yuraqib muraqabatan. Donc al-muraqaba, c'est en réalité le fait de surveiller. Yuraqib, lorsque tu dis uraqib awladi, c'est-à-dire que je surveille mes enfants. Uraqib awladi, je surveille mes enfants. Uraqib ma ya'maloun, uraqib ma yadrusoun, c'est-à-dire donc tu vas surveiller ce qu'ils font, tu vas surveiller ce qu'ils apprennent, ce qu'ils disent, etc. Donc ça vient donc ici du terme donc ou du verbe raqaba, et le terme ici al-muraqaba, al-masdar al-muraqaba. Donc ça c'est le deuxième niveau, c'est donc le niveau de la surveillance. Qu'est-ce qu'on veut dire donc par la surveillance? Il nous dit le shir, c'est ce qu'il va expliquer à travers donc la parole du prophète, وأن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى لأن استحضاره ذلك في عمله يمنع من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. الشيخ النديسي en nous expliquant donc al-muraqaba, c'est lorsque l'homme, lorsque le serviteur, il va accomplir un acte donc d'adoration, ici on est bien dans l'adoration, et qu'il va donc à ce moment-là se rappeler de par son cœur istihbar qu'Allah Azzawajal, lui, il le voit. Donc on voit que le terme, il a été repris ici, mushahadatillah, ici c'est le mushahada. Le mushahada, c'est donc qu'Allah Azzawajal, lui, le voit. Et on sait qu'Allah Azzawajal, il voit. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit. Donc, qu'il se rappelle à ce moment-là, lorsqu'il fait son adoration, de par son cœur, qu'il se rappelle qu'Allah azawajal, il le voit. Et qu'il a science de ce qu'il fait. Et qu'il est près de lui, pour qurbi. Et qu'il est près de lui, en'am. Et qu'il sait tout de lui. Et tout ce qu'il y a dans son cœur, subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaît l'invisible, et qui connaît le visible, ou qui connaît le visible et l'invisible. Donc à ce moment-là, lorsque la personne réellement elle ressent cela dans son cœur et qu'elle est en train d'adorer Allah Azzawajal, elle a un niveau d'ihsan. Elle est arrivée à un niveau d'ihsan, même si ce n'est pas le premier niveau, mais c'est quand même un niveau. Et ça rentre également donc dans l'ihsan. Et lorsque la personne donc elle fait cela, elle sera donc, comme il nous dit, le shir mukhlis. C'est la réelle personne qui est mukhlis. C'est celle qui dit donc mukhlis, qui a donc accompli l'ikhlas, la pure intention. Pourquoi? Parce qu'au moment réellement où elle va accomplir cette adoration, en se rappelant cela de par son cœur, alors ça va l'empêcher. Cela va l'empêcher de se tourner vers autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut. Et donc d'œuvrer pour autre que lui, abadan. C'est qu'à ce moment-là, lorsque la personne a atteint ce niveau-là, automatiquement ça va être un mukhlis. Et qu'elle va faire cet acte-là uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit bien entendu également le shir que les gens appartenant à ces deux catégories, donc ceux qui sont arrivés à cette deuxième catégorie et ceux qui ont été encore plus haut, qui sont arrivés à la première catégorie, ils vont se distinguer les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils vont avoir eux-mêmes, ils vont avoir donc des niveaux qui sont différents entre les deux. Taïb, c'est-à-dire, on va plutôt, lorsqu'on dit niveau, on va dire degré. Des degrés qui sont différents. Donc ceux qui vont entrer dans le premier niveau, ils vont avoir des degrés entre eux qui sont différents. Taïb. Et il nous dit, le shir ici, c'est selon, donc il nous dit, bihasabi nufud al-basayir. Donc en réalité, donc on retrouve ici le terme encore al-basira, qui est au pluriel. Ça va être suivant donc la perspicacité de leur clairvoyance. Inam. Suivant donc leur clairvoyance, suivant donc leur science. Comme on l'a dit au départ, ce que voulait dire ce terme dans la langue al-basira, lorsqu'il est utilisé par les savants. En beaucoup de temps, il veut dire donc la science. Donc c'est suivant donc leur science. C'est suivant leur science. Et c'est pour ça que on voit qu'il y a un verset du Coran où Allah Azzawajal nous dit que ceux réellement qui craignent Allah Azzawajal, c'est qui? Al-ulama. Les gens de science, ahlul ilm. Donc on voit bien ici qu'il y a eu un rapprochement entre la crainte d'Allah Azzawajal et qui va automatiquement apparaître dans l'adoration. Ceux qui sont arrivés à ce niveau, à l'Ihsan, et donc entre la science. Et comme on l'a dit auparavant, ceux qui ont réellement appris cette science, c'est-à-dire donc qu'ils ont connu avant tout Allah Azzawajal, et comment adorer Allah Azzawajal. C'est-à-dire qu'ils ont appris leur croyance, qui ont pris science de leur croyance, et qui ont appris également science du fiqh, la jurisprudence, c'est-à-dire comment adorer leur Seigneur. Ces gens-là, donc ils vont tout simplement se différencier, se distinguer les uns aux autres, parce qu'une personne va toujours être plus savante qu'une autre, va faire plus d'efforts fit talab al-ilm et va faire des efforts également donc sur son cœur, ou un yujahid, c'est-à-dire qu'il fait un effort donc de jihad sur son cœur, sur son nafs, etc. Le shir donc il termine par ces deux questions sur al-ihsan et il va ensuite passer toujours dans ce qui rentre dans cette fois-ci l'iman. Ce n'est pas en réalité qu'il va revenir à la question de l'iman, mais il va nous expliquer, comme il l'a fait dans beaucoup de fois, on revoit donc un procédé également qui revient chez le shir, il va tout simplement nous demander, et c'est cette question qui va en réalité introduire et nous faire prendre conscience réellement de ce qu'est el-kufr, de ce qu'est la mécréance. Et les cours qui vont suivre, on va parler donc de la mécréance. Et on va parler également de dawabit wa qawa'id fima yata'allaq bi at-takfir, c'est-à-dire pour ce qui est du takfir, pour ce qui est donc du fait de rendre mécréant une personne, de parler du kufr et de parler également de ses règles et de connaître également tout ce qui va rentrer dans le kufr. Donc ça va être les prochains cours à travers donc les questions et les réponses de Sheikh Hafir et tout ce qu'on aura donc donné également à titre de complément. À la kulli hal, le shir, on voit que dans beaucoup de ces sous-chapitres que l'on distingue donc à travers les questions et les réponses, il va, lorsqu'il a parlé donc d'un point bien précis au niveau de la croyance, comme on l'a vu, lorsqu'il a parlé du tawhid al-rububiyya, lorsqu'il a parlé du tawhid al-asma ou sifat, il va demander, il va poser une question sur son contraire. Sur le contraire donc. Il nous avait posé la question sur la contraire du tawhid al-rububiyya à titre d'exemple. Il nous avait demandé quel était son contraire, qu'est-ce qui est entré dans le contraire. Et également, il nous avait précisé, ou il nous avait demandé comme question, ce qui était contraire au tawhid fil asma wa sifat, lui cité d'Allah azza wa jalla selon ses attributs. Donc ici également, il va nous demander ma huwa, ça c'est la question numéro 160, qui va donc introduire ces cours qui sont en relation avec la mécréance, le kufr. Ma huwa biddul iman. C'est tout simplement quel est le contraire de la foi. Quel est le contraire de la foi? Et bien entendu, on sait que lorsqu'on veut comprendre une chose, lorsqu'on apprend et lorsqu'on prend connaissance et science de son contraire, ça va nous donner encore plus donc de science sur cette chose-là même. On sait que la personne, elle connaît réellement le jour et la valeur du jour lorsqu'elle connaît la nuit. On sait qu'elle va connaître réellement ce qu'est la chaleur lorsqu'elle connaît le froid, etc. Donc son opposé. C'est pour ça qu'à travers les prochains cours, qui sont en réalité en relation avec le kufr, ça va nous permettre également de connaître encore mieux ce qu'est la foi. Parce qu'elle va donc se distinguer de ce qui est de son opposé. El kufr, il nous dit donc, Bidul iman, Al-Kufr. Ça, c'est la réponse qui va être directe. Le contraire, donc, à la foi, c'est Al-Iman, donc le terme Al-Iman. Son contraire, c'est Al-Kufr. C'est Al-Kufr. Qu'est-ce que Al-Kufr ? Si on prend maintenant ce qu'est Al-Kufr au niveau de la langue arabe, pour comprendre réellement ce terme, et pour comprendre sa relation entre son acceptation au niveau de la religion, au niveau du shara, et donc sa relation avec la langue arabe. Parce qu'automatiquement, un terme qui est utilisé dans la législation, dans la religion, et qui a une définition particulière, automatiquement on va s'apercevoir qu'il y a un rapport entre ce terme et sa définition originelle, prise donc de la langue arabe. Automatiquement. Parce qu'on sait que ce dîn, que cette religion, elle est descendue en langue arabe à travers donc le Coran, à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comprendre la langue arabe, ça va nous ouvrir les portes pour comprendre donc ensuite la religion. Parce que c'est une relation qui est étroite entre donc cette langue et entre la religion. Et comprendre l'istilah, donc toutes les conventions et tous les termes conventionnels qui vont être utilisés dans la religion. Et on s'aperçoit que beaucoup de personnes vont s'égarer, ou beaucoup de personnes ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas eu la tamakkun ou l'itqan au niveau de la maîtrise, au niveau de la compréhension de la langue arabe. Elle couvre au niveau de la langue arabe, comme nous le répètent beaucoup de savants de la langue arabe, c'est at-tartir wa sitr. C'est donc cette notion qu'on va retrouver dans ces deux termes principalement, c'est le fait de recouvrir, le recouvrement, le fait de voiler, le fait de voiler. Tout ça donc, ça va nous donner la notion de Al-Kufr et de ce terme au niveau de la langue arabe. C'est pour ça que Al-Kufr, il va être utilisé pour désigner Al-Turab. Pour désigner Al-Turab. Al-Turab qui est la terre va être désigné par ce terme Al-Kufr. Pourquoi cela ? Parce que la terre, en réalité, elle recouvre ce qui est en dessous d'elle. Elle recouvre, donc on voit recouvrir. Elle voile ce qui est en dessous d'elle. Donc c'est pour ça que elle prend également le terme de Al-Kufr. Également, lorsqu'on revoit un verset du Coran, on va s'apercevoir que le terme Al-Kufr va être pris ici par rapport à son origine dans la langue arabe. Et c'est le verset suivant, Kamathali Raifin. أعجب الكفار أعجب الكفار نباته. Ici le terme al-kuffar, ça ne veut pas dire le terme les mécréants, et comme on va le comprendre au niveau de la langue, mais ça veut dire en réalité az-zurra, c'est-à-dire les cultiveurs, az-zari, celui qui cultive, al-yazra, ça c'est celui qui cultive. Donc on va s'apercevoir que le terme ici employé c'est al-kuffar. On va revenir la langue arabe pour comprendre réellement ce qui était voulu dans ce verset du Coran et comprendre également et de façon précise la notion de ce terme Al-Kufr au niveau de la langue arabe. On a bien dit Al-Kufr, le fait de recouvrir, le fait de voiler. Ici dans ce verbe et qui dans ce verset Arfan et qui concerne Zurra, on sait que Zari', celui donc qui va cultiver et qui va donc semer, il va semer quoi? Des graines. Et ces graines là il va les semer et il va les planter à l'intérieur, ou il va les introduire à l'intérieur de la terre, donc il va les recouvrir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'acte de recouvrir. C'est pour ça ici que ce terme qui est employé dans le verset du Coran, c'est Al-Kuffar. Non, le verset c'est Surat Al-Hadid, le fer, et c'est le surat, le fer, c'est le verset 20. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. Donc on a compris ici la relation, pourquoi ils ont été appelés Al-Kuffar. Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu dire, subhanahu wa ta'ala, par ce terme-là, Al-Kuffar, par cette désignation, ceux qui sont mécréants, mais il a voulu dire donc les cultiveurs. Il a voulu dire les cultiveurs, Al-Kuzurra, et pourquoi, comment on l'a expliqué. Et on a compris maintenant la relation réellement, ou la définition, et cette notion que l'on retrouve donc dans ce terme Al-Kuffar. Maintenant, qu'est-ce que veut dire Al-Kuffar au niveau de la législation? Qu'est-ce que veut dire Al-Kufr au niveau de la législation? On va donner sa définition, et ensuite on va voir, comme nous l'ont mis en évidence les savants, la relation qui est entre la notion que l'on retrouve donc dans la langue arabe et sa définition dans le shar. Si on reprend donc ce que nous dit l'imam Hafir, rahimullah, il dit, donc lorsqu'il nous a dit quel était le contraire de l'iman, il nous a dit donc « Didul iman al-kufr » Et donc c'est une base. C'est une base, comme la foi c'est une base et qu'elle a des branches, de même elle couvre, c'est une base, et le couvre, la mécréance, elle a également des bases, pareil. كما أن الإيمان أصل له شعب. طيب وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للقيادة بالطاعة. Donc il va nous rappeler ici le Cheikh, comme cela avait été déjà cité, que l'Iman c'est le tasdiq al-idhani al-mustalzim lil-qiyadi bit-ta'a. C'est donc tout simplement al-tasdiq. Al-tasdiq est donc le fait de reconnaître, donc comme étant la vérité. Al-tasdiq. Et ce tasdiq al-idhani, c'est-à-dire qui va être une précision pour ce qui est al-tasdiq. Ce n'est pas uniquement un tasdiq simplement reconnaître vrai, mais qui va également être, qui va impliquer la résignation, qui va impliquer l'istislam, donc le fait de se soumettre automatiquement. Il nous dit al-mustalzim l'inqiyadi bit-ta'a, et donc qui va impliquer, qui va donc avoir pour résultat direct la soumission par l'obéissance. La soumission par l'obéissance, al-inqiyad, tayyib, donc tous ces des termes qui sont proches, al-idhani, al-inqiyad, des termes qui sont proches, qui vont donc avoir pour signification la soumission, le fait de se résigner à Allah Azza wa Jal et aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, l'inqiyadi bit-ta'a. Ça donc, c'est ce que le shir il veut par l'iman et par son asr, par sa base. De même pour ce qui est donc al-kufr. Il va nous dire le shir, fal-kufru aslu al-juhud wal-inad al-mustalzim al-istikbari wal-isyan. Et le shir donc de nous expliquer, après nous avoir fait un rappel pour ce qui était de l'iman, de nous dire que aslu, c'est-à-dire à l'origine, qu'est-ce que le kouf, c'est le juhud ou l'inad, et qu'eux qui vont impliquer quoi, l'istikbar ou l'isyan. Donc le juhud qui vient du terme jahada, du verbe jahada, qui est le fait de renier, le fait de renier, le fait de réfuter, donc de ne pas accepter. Ça c'est le juhud. Donc ça va être basé sur cela. Et également l'inad, l'inad. Donc l'indocilité, ou le fait donc également ici de refuser, de s'entêter à refuser, al-inat, et qui vont donc impliquer quoi, al-istikbar, qui vont donc impliquer l'orgueil, al-istikbar, ou al-isyan, et impliquer également la désobéissance. Donc on voit ici, comme la foi elle avait une base, le kufr également il a une base, qui revient donc à cela, al-juhud, ou al-inat, et qui vont donc impliquer donc cet orgueil et cette désobéissance. Donc à partir de là, le cheikh va ensuite nous dire que toutes les obéissances reviennent donc aux branches de la foi. Reviennent donc aux branches de la foi. Et comme al-ma'asi kulluha min shu'ab al-kufr. Et également donc al-ma'asi, toutes les désobéissances sont en réalité, les désobéissances en elles-mêmes sont en réalité de quoi ? Des branches du kufr, des branches de la mécréance. Taïb. Pour revenir qui est de la définition du kufr. Et on va voir que beaucoup de savants nous ont donné les définitions. On va retrouver donc ces définitions également dans la parole de Cheikh Hafiz lorsqu'il nous a parlé de l'juhud, il nous a parlé de l'inad. Certains disent que el-kufr, c'est bi-jahdi majabi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou jahd majabi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire tout simplement refuser et réfuter et donc ne pas accepter une chose qui est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on va retrouver cette explication, ou alors cette définition, chez beaucoup de savants, parmi les contemporains et ceux d'avant. Donc c'est le fait de réfuter et de rejeter bijahd, ou ce qui est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la religion de façon générale, tout ce qui est venu ou tout ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de cette religion. Donc lorsqu'on a compris sa base, d'où il vient, on va comprendre à partir de là donc réellement ce qu'est al-kufr, réellement ce qu'est al-kufr. Ensuite le shir il va donc nous expliquer également, et ça on va revenir plus tard bi-idhnillah, qu'il y a ici, lorsqu'on a parlé du kufr, qu'il y a différentes catégories et que ces catégories elles sont précises à connaître qu'elles vont revenir dans An-Nusus. Et en réalité, on donnera également, pour le prochain cours, Inch'Allah, on donnera des exemples pour ce qui est de ces différentes catégories. Et on donnera également comment différencier entre ces différentes catégories, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et simplement pour revenir, et c'est vrai qu'on a oublié de le préciser, donc pour revenir à la relation qui est entre le kufr, au niveau de sa compréhension dans le dîn et au niveau de ce qu'il implique dans la langue, beaucoup des savants vont nous dire qu'en réalité le kufr wa rata al-qalb, c'est-à-dire yurati al-qalb wa yurati al-haq, comme cela est venu de beaucoup de savants, c'est-à-dire que le kufr, la mécréance donc, va en réalité recouvrir le cœur, ou alors va recouvrir la vérité, va recouvrir le cœur ou va recouvrir la vérité. Donc on voit ici encore la notion de recouvrement, de recouvrir, de voiler, va voiler le cœur, va voiler al-haq. Donc on voit ici maintenant quelle est donc la relation qui est entre ce terme qui a été utilisé donc dans la religion al-kuf et son origine donc au niveau de la langue. Et donc la semaine prochaine, voire fois le cours prochain, on va terminer et on va expliquer beaucoup de points qui sont en relation avec le kuf. On verra également ces différentes catégories. On verra également comment comprendre ces catégories, etc. Ça sera pour le prochain cours. Bi-idhnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.